si la terre et qui ka guidonne nous. C'est même la pluie qui ka pleure, qui ka béni, qui ka ouse. Ça qui voulait planter l'amour. Mais nous pas inventer rien, tout ça déjà là avant. L'automne tabou masse, car même pas loin arrivé. Mais nous pas inventer rien, tout ça déjà là avant. Nous choisis mauvaise saison pour nous y mettre. Excusez-moi. Choisis même sens là. Saison pour nous y mettre. Excusez-moi.